Ha! Ok. Le monde tourne à l'envers, c'est austère, faux frère, fils de gang, père de sa mère, ouais sa merdouille. T'as encore la foutre du matin avec la police. Elle est tape, je me rends compte, c'est pas une histoire. Et du rap en 2010. Et je débarque pour drap. Splash Marcel Amitri des disques. T'as la street, ouais c'est encore plus mystique que la clope et la beat. Car quand je rappe, c'est comme une histoire de vandale. La clique, ça tourne comme le joint, alors fais vite, ouvre le bal. Avant que tu fasses un deuxième troubable comme Chabal, avant que je sois hal dans le hall. Là, fais fumer le métro. Ouais dans le ghetto. Fais monter l'expression, la pression. Écoute garçon, c'est de l'argent sale, c'est original. De voler un petit con qui te raquette tes pompes par le impost en vrai style. Yeah yeah. Ok. Y'a un blême, un dilemme. Fais du rap mélancolique. Stop, je suis pas alcoolique, mais je survis à la vie de fou que je traverse. Alors baisse EQHS. Les putes qui te font prendre les fesses, qui te délaissent. Cela me te prend pour la pièce. Ok. Je me fais remarquer comme un acteur qui pilise ma vie et tombé dans tes bras. Ton souci me rougit, je te tombe dans tes bras. Baisse dans tes draps, embrasse dans ton cœur. Brise ta douleur, pleure dans mon cœur. Ok, B30 Mike, ouais dealer. Ouais dealer, ouais dealer. Ok, ok. Si y'a un blême, un dilemme. J'ai un blême, un dilemme dans le rap mélancolique. Stop, je suis pas alcoolique, mais je survis à la vie de fou que je traverse. Alors baisse les QHS et puis qui te font prendre les fesses, qui te délaissent, qui te délaissent. Cela te met en pied, puis c'est des pièces. C'est P3RH10R, ok. C'est un blême, un dilemme. Fais du rap mélancolique. Stop, je suis pas alcoolique. Je suis pas alcoolique. Je suis pas alcoolique, mélancolique, stop. Fais pas du rap mélancolique, du hardcore trash et tout ce qui se passe dans ta putain de tête et cervelée. Ni les cachets qui te maîtresse, qui te nique ta race, à ce qui te délaisse. Les trois virages des arches hard, je suis trash, basé, je suis trash. Si un blême, c'est un dilemme. Fais du rap mélancolique, stop, je suis pas alcoolique, mais je survis à la vie de fou que je traverse. Alors baiser le QHS, et puis qui te font prendre les fesses, qui te délaissent. Cela te met en pièce, pièce et pièce. Cela te met en pièce et pièce. Ok. Ok. Ok.